La sculpture du marbre est de beaucoup antérieure à la peinture et à la statuaire en bronze, qui commencèrent l'une et l'autre avec Phidias dans la 83e Olympiade, environ 332 ans plus tard. On dit que Phidias lui-même a travaillé le marbre et qu'il y a de lui, à Rome, dans les édifices d'Octavie, au Champ de Mars, une Vénus d'une merveilleuse beauté. En parlant des artistes du bronze, nous avons indiqué l'époque de Praxitèle, qui se surpassa lui-même par la gloire de ses ouvrages de marbre. Il y a de ses œuvres à Athènes, mais ce qui passe avant toutes les statues, non seulement de Praxitèle, mais du monde entier, c'est sa Vénus, qui fait entreprendre à bien des gens, pour la voir, le voyage de Gnide. Gnide se trouve en Carie, au bord de la mer Égée, sur la côte ouest de l'Asie. Car par cette statue, Praxitèle a fait la gloire de Gnide. Il subit dans le monde une cinquantaine de copies de cette Vénus de Gnide de Praxitèle, dont une très belle au musée du Louvre. Le sculpteur Scopas eut pour contemporain et pour rivaux Bryaxis, Timothée et Léocarès, desquels il faut parler en même temps parce qu'ils ont travaillé ensemble au mausolée. On appelle ainsi le tombeau érigé par Artémise à son époux Bozole, un petit roi de Carie, qui mourut l'an 2 de la 107e Olympiade, 351 avant Jésus-Christ. C'est surtout grâce à ces artistes que cet ouvrage est compté parmi les sept merveilles du monde. Il s'étend au midi et au nord sur 60 pieds. Les faces sont plus courtes. Le pourtour total est de 440 pieds. La hauteur du monument est de 25 coudées, environ 13 mètres. Il est entouré de 36 colonnes. Le côté du levant a été sculpté par Scopas, celui du nord par Bryaxis, celui du midi par Timothée, celui du couchant par Léocarès. Avant l'achèvement de leurs travaux, la reine mourut. Mais les artistes ne quittèrent pas leur ouvrage sans l'avoir terminé, pensant que c'était là un monument élevé à leur gloire et à celle de leur art.